Nous vivons sous des charmes, lui disait la bonne femme qui voulait sa maison acheter. Vos noyers ont une âme, cet endroit me désarme, vous êtes si bien situé. Mais est-ce calme? Ignorait tout du drame qui chez lui s'était déroulé. Comme un tapis de larmes, tiré au jeu de dames, un peu trop vite sous ses pieds. Elle lui parlait de faste, imaginait de vastes soirées déguisées d'été. Cet enthousiaste, quand soudain iconoclaste demanda pourquoi il vendait. Est-ce calme? Est-ce gay? Est-ce calme? Est-ce gay? Est-ce calme? Est-ce gay? Est-ce calme? Est-ce gay? Vexé par la manœuvre, il sortit ses couleuvres, mentit autant qu'il pouvait. N'avez-vous point de femme? Demanda la belle dame qui voulait sa maison hantée. Mais on frappa la porte, et il croit qu'une morte va débarquer en zombie. C'était en plein hiver, l'inspecteur de Scrévert le fit monter dans le combi. Alors qu'il obtempérait gentiment, il entendit une voix dans le vent. Est-ce calme? Est-ce gai? Escape.